بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, on va commencer inshallah aujourd'hui l'étude de Kitab Siyam, le chapitre du Siyam, du jeûne, de l'ouvrage Bulugh al-Maram. Alors Bulugh al-Maram est un livre de fiqh qui a été écrit par Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi. C'est un livre où il a regroupé différents hadiths sous différents chapitres. Par exemple, tout ce qui concerne la salat, tout ce qui concerne le siyam, tout ce qui concerne le hajj, tout ce qui concerne le commerce. Donc nous, on va s'intéresser à la partie qui traite du siyam, du jeûne, pour faciliter aux francophones. Et pour cela, on va se baser sur le commentaire qu'a écrit Cheikh Mohamed Ibn Hizam al-Ba'dani, hafidhullah wa ta'ala. Cheikh Mohamed Ibn Hizam fait partie des mashayikh la sunna du Yémen. Et donc à la base, en fait, il avait enseigné ce livre-là lorsqu'il était à Dammaj. Et chaque semaine, chaque fois qu'il terminait une partie du cours, il écrivait tout ce qu'il avait préparé à la main sur des feuilles. Et chaque fois qu'un chapitre était fini, eh bien, tous les feuillets étaient regroupés sous forme de fascicules. Et lorsqu'il a fini tout le livre, tous les fascicules ont été regroupés. Et par la suite, les tullabs, les frères, ont décidé de taper à l'ordinateur ce que Cheikh Hafidhullah wa ta'ala a écrit à la main. Et c'est ainsi que son commentaire est sorti sous forme de livre. Son commentaire est sorti sous forme de 5 mujallad, 5 volumes, 5 gros tomes. Il a intitulé ce livre-là, ce commentaire-là, Fath al-Allam. Donc Fath al-Allam est un commentaire de Bulugh al-Maram, très bénéfique, où il a traité aussi bien le tahqiq des hadiths, c'est-à-dire le degré d'authenticité des différents hadiths, que tout ce qui se rattache aux différents chapitres. Et en général, il traite le chapitre sous forme de masa'il, c'est-à-dire sous forme de questions-réponses. Par exemple, il pose une question, puis il cite les différents avis des savants sur cette question-là, et à la fin, il donne l'avis le plus juste. Donc, on va commencer, inshallah, par la définition du siyam. قال الشيخ محمد بن حزام siyam lughatan al-imsak. Alors, siyam, dans la langue arabe, signifie l'imsak, c'est-à-dire l'abstention, le fait de s'abstenir d'une chose. Allah Azza wa Jal dit à propos de Maryam, Maryam qui est la mère de Isa, de Jésus, alayhi salatu wa salam, inni nadhartu li rahmani sawma. Donc Maryam a dit qu'elle a voué à Allah, au miséricordieux, un vœu de silence, un sawm. Donc ici, elle a fait le vœu de n'adresser la parole à personne. Donc ici, elle s'est abstenue de parler. Donc dans la langue arabe, siyam signifie le fait de s'abstenir. Ce n'est pas forcément le fait de s'abstenir de nourriture, c'est plus général que cela. Comme ici, Maryam s'est abstenue d'adresser la parole à quiconque. Et Sharan, dans la religion, on va citer la définition qu'a donnée l'imam al-Qurtubi du siyam, qui est une définition claire et simple. Qala, siyam huwa al-imsak an al-mufattirat. Donc c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui annule le siyam, de tout ce qui invalide le siyam, que ce soit la nourriture, les boissons, les rapports sexuels ou autres. Ma'aktiran niya. Donc il faut se priver de ces choses-là avec la niya, avec l'intention. Il faut faire cela pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Il faut s'abstenir de ces choses-là pour Allah. Donc cela exclut par exemple le cas d'une personne qui se prive de nourriture pour perdre du poids. Si une personne fait un régime, elle va se priver de nourriture et de boisson, mais cela n'est pas considéré comme étant un siyam shar'i. Elle n'aura pas la récompense d'Allah. Également, si un médecin dit à un patient que pour sa santé, il devait arrêter par exemple de manger pendant 24 heures, la personne va se priver de nourriture, mais ce n'est pas un siyam shar'i. Ce n'est pas un siyam dans le sens religieux. La personne n'obtiendra pas la récompense d'Allah. Il faut placer sa niya, son intention pour Allah. Min tulou al-fajr ila ghurub al-shams, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Deuxièmement, on va voir asma okhra lis-sawm, d'autres appellations du siyam, du jeûne. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi a dit dans son livre Kitab al-Siyam de Sharh al-Umda, qala wa summiya siyam as-sabr. Il a cité que siyam s'appelait également sabr, c'est-à-dire la patience. Il s'est basé sur ce hadith où le prophète عليه الصلاة والسلام a dit صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر. Donc le fait de jeûner le mois de la patience, c'est-à-dire le mois de Ramadan, et 3 jours chaque mois équivaut à jeûner toute l'année. Et il a également cité que siyam pouvait être nommé siyaha, comme cité dans ce verset. التائبون العابدون الحامدون السائحون. السائحون signifie ceux qui accomplissent le siyam. Cheikh Mohamed bin Hizam a dit, en ce qui concerne le fait d'appeler le siyam par sabr, par la patience, il a dit que cela était à revoir. Car ce qui ressort du hadith est que cette appellation-là revient au moi et non pas au siyam. C'est-à-dire que cette appellation-là, de la patience, revient au moi. C'est le mois de la patience, c'est-à-dire le mois de Ramadan. Pourquoi ? Car pendant ce mois, il faut s'armer de patience pour faire face à la faim et à la soif. Troisièmement, on va voir les différentes catégories de siyam. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, dans le même livre, a cité que le siyam avait cinq catégories, qu'il y avait cinq catégories de siyam, de jeûne. Alors, il a dit tout premièrement le jeûne obligatoire dans la législation qui est le siyam du mois de Ramadan. Qala ada'an wa qada'an. Ada'an, c'est lorsqu'on accomplit ce siyam pendant le mois de Ramadan. Qada'an, c'est lorsqu'on rattrape des jours. Si une personne est tombée malade pendant Ramadan et qu'elle rattrape ces jours-là, on appelle cela qada'an. Thumma qala والصوم الواجب في الكفارات c'est le siyam dû à une expiation. Et également الواجب بالنذر. Alors un nadr c'est lorsqu'on fait le vœu d'accomplir des jours de siyam. Et enfin صوم التطوع c'est-à-dire le fait de jeûner des jours surérogatoires, le fait de jeûner des jours supplémentaires. Donc voilà les cinq catégories de siyam. Quatrièmement, on va voir صوم رمضان. Alors sachez que le siyam du mois de Ramadan est une obligation pour chaque musulman. Baligh, c'est-à-dire que ce musulman-là doit être pubère, il doit avoir atteint l'âge de puberté. Cela exclut par exemple les jeunes enfants. Si un jeune, par exemple, de 7-8 ans veut jeûner, il peut jeûner. Et c'est bon même de l'encourager pour l'habituer à jeûner. Mais le siyam ne lui est pas obligatoire, ce n'est pas une obligation pour lui. Aqil, c'est-à-dire qu'il doit avoir sa pleine raison. Cela exclut par exemple le majnoun, quelqu'un qui a atteint de folie ou autre. Muqim, muqim c'est le contraire de voyageur, c'est celui qui ne voyage pas. Donc sachez que celui qui voyage, eh bien, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Bien sûr, une fois revenu de voyage, une fois que son voyage est terminé, il doit rattraper les jours qu'il a manqués. Par exemple, si une personne voyage pendant le mois de Ramadan 3 jours, une fois qu'elle finit son voyage et que Ramadan est terminé, elle devra rattraper ces 3 jours-là. Mais pendant son voyage, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Qadir al-Soum. Qadir al-Soum, c'est-à-dire que la personne doit être capable de jeûner. Cela exclut par exemple une personne malade ou une personne très âgée qui n'a pas la capacité de jeûner. Et tout cela est indiqué par des preuves du Coran, la Sunna et également l'Ijma. Alors, parmi les preuves du Coran, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Donc Allah عز وجل a prescrit le siyam à notre communauté comme il l'a prescrit aux générations passées. Mais sachez que le siyam d'auparavant n'est pas comme le siyam de notre communauté. Le siyam là diffère. لعلكم تتقون. Donc le fait de jeûner, d'accomplir le siyam, est un moyen d'obtenir la taqwa, la crainte d'Allah تبارك وتعالى. Et parmi les preuves de la sunna, il y a de nombreux hadiths qui indiquent cette obligation-là. Il y a ce hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Buniya l'islam ala khams ». L'islam est bâti sur 5 piliers. Et parmi ces piliers, il a cité « Siyam Ramadan », le fait de jeûner le mois de Ramadan. Et également, on a l'ijma', c'est-à-dire l'accord de tous les savants. Tous les savants s'accordent à dire que le siyam du mois de Ramadan est une obligation. Cinquième question, « Metaforida Ramadan ». Quand est-ce qu'a été prescrit le mois de Ramadan? L'imam Nawawi a cité « Sama Rasulullah alayhi salatu wasalam Ramadan tis'a sinin ». Le prophète alayhi salatu wasalam a jeûné le mois de Ramadan pendant 9 années. « Liannahu furida fi sha'ban fi sana thaniya min al-hijra ». Donc le Ramadan a été prescrit la 2e année de l'hijr pendant le mois de Sha'ban. Sixièmement, « Ahwal fardiyat soum ». Sachez que le siyam a été instauré par étapes. Alors au départ, les musulmans devaient jeûner le jour de Ashura. Le jour de Ashura, qui est le 10e jour du mois de Muharram, était une obligation pour les musulmans, comme rapporté dans des hadiths de Bukhari et Muslim d'après Aïcha, radiallahu anha. Puis lorsqu'Allah Ta'ala a rendu le Ramadan obligatoire, eh bien, le sixième du jour de Ashura est devenu mustahab, c'est-à-dire recommandé. Il n'était plus obligatoire, mais seulement recommandé. Et sachez qu'au départ, les musulmans avaient le choix entre soit jeûner, soit nourrir des pauvres. Puis, par la suite, Allah a abrogé ce jugement-là et le siyam est devenu obligatoire pour tous ceux qui en ont la capacité. Et également, une autre faïda, au départ, sachez que l'interdiction de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels débutait après avoir dormi ou après avoir accompli Salat al-Isha. Donc, par exemple, si une personne avait accompli Salat al-Isha, eh bien, après cela, il ne lui était plus permis de manger ou de boire. Il fallait qu'elle attende jusqu'au lendemain au Maghreb pour pouvoir manger et boire. Également, si une personne s'endormait, par exemple, une personne s'endormait le soir et qu'elle se réveillait la nuit, eh bien, elle n'avait pas le droit de manger, ni de boire, ni d'avoir de rapport jusqu'au Maghreb du lendemain. Et c'est ce qui s'est passé à Qais ibn Sirma. Alors, une fois, Qais ibn Sirma est revenu chez lui au Maghreb et sa femme l'informa qu'il n'y avait rien à manger à la maison. Donc, elle est sortie pour lui ramener de la nourriture et lorsqu'elle est revenue, elle l'a trouvé en train de dormir. Et lorsqu'il s'est réveillé, eh bien, il n'avait plus le droit de manger. Et le lendemain, il était tellement fatigué qu'il s'est évanoui. Et c'est par la suite qu'Allah tabaraka wa ta'ala a abrogé ce jugement-là. Et par la suite, les musulmans ont eu le droit de manger, de boire et d'avoir des rapports jusqu'au fajr, jusqu'à l'aube. Maintenant, on va passer au premier hadith qu'a cité le Hafid ibn Hajar, rahmatullah alayhi, qala, an Abi Hurayra, radiallahu anhu, qala, qala Rasulullah alayhi salatu wasalam, la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumu. Muttafaqun alayhi. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, ne précédez pas Ramadan par le siyam d'un jour ou deux, sauf pour celui qui a pour habitude de jeûner ces jours. Dans ce cas, qu'il le fasse. Donc il a dit de ne pas jeûner un jour ou deux avant Ramadan, sauf pour celui qui a l'habitude de jeûner ses jours. On va donner un exemple. Par exemple, admettons que Ramadan tombe le mercredi. Donc d'après ce hadith, il ne faut pas jeûner un jour ou deux avant, c'est-à-dire lundi et mardi. Mais si une personne a l'habitude de jeûner tous les lundis et les jeudis, eh bien dans ce cas-là, en ce qui la concerne, il lui est permis de jeûner lundi. Donc voilà un exemple qui clarifie ce hadith-là. La première question qu'on va voir se rattachant à ce hadith-là est Sebeb tasmiyat Ramadan bihadha al-ism. Pourquoi est-ce que Ramadan a été nommé Ramadan? Alors, Cheikh Mohamed Mouhizam a dit Qila li'annahu yarmadu dhunub. Certains savants ont dit que c'est parce que yarmadu dhunub. Alors, lorsqu'on voit le verbe ra-ma-da, cela indique une forte chaleur. Donc, ils ont dit que c'était car cela brûle les péchés. Yuharik les péchés, brûle, consomme les péchés. Et d'autres savants ont dit que c'est parce que les gens sont consumés par la chaleur de la faim. Donc on a toujours cette idée de chaleur. Et d'autres savants ont dit que c'est lorsqu'ils ont changé le nom des mois arabes, eh bien ce mois a coïncidé avec une forte chaleur. On a toujours cette idée de forte chaleur. Et Cheikh Mohamed Mouhizam a dit qu'il n'y avait aucune preuve formelle en ce qui concerne ce sujet-là, et que toutes ces suppositions-là étaient valables. Toutes ces paroles-là, tout ce qu'ils ont cité était possible, était plausible. Deuxième question. Al yuqal Ramadan am shahr Ramadan. Dit-on Ramadan ou bien le mois de Ramadan? La majorité des savants est d'avis que l'on peut dire aussi bien le mois de Ramadan que Ramadan. Ils se sont basés sur ce hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a dit Man sama Ramadan, celui qui jeûne Ramadan. Donc ici, le prophète alayhi salatu wasalam a dit celui qui jeûne Ramadan. Il n'a pas dit celui qui jeûne le mois de Ramadan. Imanan wa ihtisaban, avec foi et en attendant la récompense d'Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah lui pardonne ses péchés antérieurs, ses péchés passés. Donc c'est un fadl azim, c'est un immense mérite que le fait de jeûner le mois de Ramadan. Il faut profiter de ces occasions-là pour nous faire pardonner nos péchés. Et également, ils se sont basés sur ce hadith. Iza jaa Ramadan, lorsque vient Ramadan, la même chose, la même remarque. Il n'a pas dit lorsque vient le mois de Ramadan. Futihat abwab al-jannah, les portes du paradis s'ouvrent. Wa ughliqat abwab al-nar, et les portes de l'enfer se ferment. Wa suddifat ash-shayatin, et les shayatin sont enchaîné. Et ça, c'est quelque chose que l'on remarque pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, remarquez bien, les gens ont plus de facilité à faire du bien, sont plus portés vers le bien que pendant les autres mois. Et il ne faut pas comprendre qu'il n'y a aucun mal pendant ce mois-là, non? Il y a juste moins de mal que pendant les autres mois. Et par exemple, vous remarquez que certaines personnes qui n'accomplissent pas la salat pendant le reste de l'année font par exemple salat al-Taraweeh, ou d'autres commencent à accomplir la salat pendant le mois de Ramadan. Mais ce qui est bon est de continuer sur sa lancée après la fin du mois de Ramadan. Celui qui commence la salat pendant Ramadan doit essayer de faire des efforts pour continuer la salat après le mois de Ramadan. Et d'autres preuves hein, aussi qui indiquent qu'il est permis de dire Ramadan sans préciser le mois de Ramadan. Et d'autres savants ont dit qu'il était déconseillé de dire Ramadan. Ils se sont basés sur ce hadith. La taqulu ja'a Ramadan. Ne dites pas Ramadan est venu. Fa inna Ramadan ismullah. Car Ramadan est un des noms d'Allah. Walakin qulu ja'a shahr Ramadan. Par contre, dites le mois de Ramadan est venu. Donc ils se sont basés sur ce hadith pour dire qu'il est déconseillé, qu'il est réprouvé de dire Ramadan. Mais en fait, ce hadith-là est daïf. Cheikh Mohammed ibn Hizam a cité que ce hadith-là était daïf. Ce hadith est faible car il y a dans la chaîne de transmission Ma'char Najih ibn Abdurrahman. Donc ce hadith-là ne peut pas servir de preuve d'argument car il est faible, il est daïf. Donc à partir de cela, eh bien, l'avis le plus juste est qu'il est permis de dire aussi bien Ramadan que le mois de Ramadan à partir des preuves qu'on a citées. La troisième question concerne le fait de jeûner un jour ou deux avant le début de Ramadan. Cheikh Mohammed ibn Hizam a dit que la majorité des savants étaient d'avis que cela était makruh, c'est-à-dire détestable, réprouvé. Et certains ont précisé que cela était makruh si cela était fait par précaution. Par exemple, si une personne a peur de rater le début de Ramadan, eh bien elle se dit je vais jeûner un jour ou deux avant pour être sûr de ne pas rater le premier jour de Ramadan. Mais cet avis-là est rejeté. Car dans le hadith, le prophète alayhi salatu wasalam, n'a fait exception que du cas de celui qui a pour coutume, pour habitude de jeûner ces jours-là. Donc, à partir de là, l'avis le plus juste est qu'il est interdit de jeûner un jour ou deux avant le mois de Ramadan, sauf pour celui qui a pour habitude de jeûner ces jours-là. Comme on a donné l'exemple, par exemple, la personne qui a pour habitude de jeûner tous les lundis et les jeudis, et que, par exemple, Ramadan tombe le mercredi, eh bien dans ce cas-là, il lui est permis de jeûner le lundi. Et c'est l'avis qu'a choisi Ash-Shawkani et également As-Sanani. Et enfin, la dernière question concerne la hikma. Quelle est la sagesse de ne pas jeûner un jour ou deux avant le début du mois de Ramadan? Certains savants ont dit que c'était pour avoir de la vigueur et de la force pour débuter le mois de Ramadan. Et d'autres savants ont dit que c'était par crainte de mélanger des jours obligatoires avec d'autres qui ne le sont pas. Par crainte de mélanger les jours d'avant Ramadan qui ne sont pas obligatoires à ceux de Ramadan qui sont obligatoires. Et c'est l'avis qu'a choisi l'imam al-Qurtubi. Et Cheikh Mohammed ibn Hizam a dit que c'était l'avis le plus juste. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Donc la sagesse et la peur de rajouter des jours à ceux du mois de Ramadan qui sont obligatoires. Cheikh Mohammed ibn Hizam a dit que ce cas-là était semblable au fait de séparer une salat obligatoire d'une autre qui ne l'est pas, soit en parlant, soit en changeant de place. Le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a dit que lorsqu'on accomplit une salat obligatoire et qu'on veut accomplir une salat supplémentaire par la suite, eh bien, il faut entre-temps soit parler, soit par exemple adresser la parole à quelqu'un, soit en faisant ses adhkar, soit en changeant de place. Donc, c'est pour séparer une ibada qui est obligatoire d'une salat qui n'est pas obligatoire. Donc ce cas-là est semblable à celui-là. Donc voilà pour ce dars où on a vu une introduction au siyam et également le premier hadith qui indique l'interdiction de jeûner un jour ou deux avant le début du mois de Ramadan. Wa ilawna walhamdulillahi rabbil alamin.